coaching sportif, nutrition, bien-être sont les atouts du studio My Coach à Lima, aux portes de Villefranche. Bilan personnalisé, encadrement, résultats. Le studio My Coach entraîne, conseille, optimise vos performances sportives en team training de 30 minutes. Plus d'infos sur my-coach.studio. Le studio My Coach, 88 rue des Chantiers du Beaujolais à Lima.